Je suis prêt, prêt pour les possibilités. Un nouveau chemin, un être vaste. L'avenir murmure des mots doux, m'emporte vers lieux lointains. Le monde se tisse sans frontières. Rêve grand, laisse-moi me laisser guider. Je suis prêt, je reste curieux. Le ciel est vaste, les chemins sont pour moi. Chaque lumière révèle un plan. Le temps commence, il ne s'arrête pas. Je suis prêt pour des temps nouveaux. Laisse les pensées glisser plus loin, pas à pas le chaos s'efface, des images d'ordre apparaissent, tout grandit dans sa trajectoire, chaque rêve suit son propre plan, on ne voit que ce qu'on comprend, mais les petits miracles restent là, je suis prêt, je reste curieux. Un nouveau chemin, un être vaste. L'avenir murmure des mots doux, m'emporte vers des lieux lointains. Le monde se tisse sans frontières. Rêve grand, laisse-moi me laisser guider. Je suis prêt, je reste curieux. Pour des temps nouveaux.